Chapitre 9e. Lord Charles bondit sur sa chaise et prononça un mot ou deux de ceux que l'on entendait plus souvent dans le cabinet du ministre du temps de Lord Melbourne qu'aujourd'hui. « Êtes-vous folle, Clara ? Qu'est-ce qui a pu vous mettre une pareille idée en tête ? Le Premier ministre. »« Qui ? Le Premier ministre ? Oui, cher. Maintenant, soyez gentil. Ou peut-être j'aurais dû ne jamais vous en parler. Eh bien, je pense que vous êtes trop avancé pour reculer. » Alors, c'est le Premier ministre qui m'a dit que Lord Arthur partait pour Tanger. C'est un fait, quoiqu'il me fût sorti de la mémoire pour le moment. Puis vint Sir William avec son opinion sur Ida. Oh, Charles, c'est sûrement plus qu'une coïncidence. Je suis convaincu, dit Lord Charles, avec son regard fin, interrogateur, que c'est beaucoup plus qu'une coïncidence. Vous êtes une femme très adroite, ma chère, un administrateur et un organisateur né. La dame laissa tomber le compliment. « Songez à notre jeune temps, Charles, » murmura-t-elle, tandis que ses doigts jouaient encore avec ses cheveux. « Qu'étiez-vous alors ? Un pauvre homme, pas même ambassadeur à Tanger. Mais je vous aimais, et j'ai cru en vous. L'ai-je jamais regretté ? Ida aime Lord Arthur et croit en lui. Pourquoi le regretterait-elle jamais ? » Lord Charles gardait le silence. Ses yeux étaient fixés sur les branches vertes qui se balançaient à l'extérieur de la fenêtre. Mais son esprit se reporta à une maison de campagne du Devonshire il y a 30 ans et à une heureuse soirée où, entre les haies de vieux ifs, il marcha à côté d'une jeune fille élancée et lui faisait part de ses espérances, de ses craintes et de ses ambitions. Il prit la petite main blanche et la pressa sur ses lèvres. « Vous avez été une bonne femme pour moi, Clara. » Elle ne dit rien. Elle n'essaya pas de profiter de son avantage. Un général moins expérimenté aurait pu l'essayer et aurait tout compromis. Elle resta silencieuse et sérieuse, remarquant le jeu rapide de la pensée qui se manifestait par les yeux et les lèvres de son mari. Il y avait une étincelle dans les uns et une contraction amusée dans les autres, lorsqu'il la regarda enfin. « Clara, dit-il, niez-le si vous pouvez, vous avez commandé le trousseau. » Elle lui pinça légèrement l'oreille. « Sauf votre approbation, dit-elle. Vous avez écrit à l'archevêque. » Ma lettre n'est pas partie. « Vous avez écrit un billet à Lord Arthur. Comment pouvez-vous dire cela ? Il est en bas, en ce moment. »« Non, mais je crois que c'est son coupé. » Lord Charles se laissa retomber en arrière avec un air de désespoir qui voulait être comique. « Qui pourrait lutter avec une telle femme ? » s'écria-t-il. « Ah, si je pouvais vous envoyer un Novikov ! Il est trop fort pour tous mes hommes. Mais Clara, je ne puis pas le recevoir ici. » « Pas même pour recevoir votre bénédiction ? Non, non. Ils en seraient si heureux. Je ne puis supporter des scènes. Alors je vais la leur porter. Et je vous prie de ne plus parler de cela aujourd'hui, en aucune façon. J'étais faible à ce sujet. » « Oh Charles, vous qui êtes si fort !»« Vous m'avez attaqué de flanc, Clara. Cela a été bien joué, je dois vous féliciter. » « Eh bien, murmura-t-elle en l'embrassant, vous savez que pendant 30 ans, j'ai étudié sous un habile diplomate. » Ainsi s'achève une question de diplomatie par Arthur Conan Doyle.